بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc c'est avec un très grand honneur d'avoir été invité par nos bien-aimés frères du Markaz Al-Ghulaba pour cette conférence concernant la jurisprudence dans le mariage. Et on remercie nos frères du Markaz de nous avoir invités et de nous avoir fait confiance afin de donner quelques cours relatif à ce sujet. Donc, inshallah ta'ala, nous allons, durant cette conférence, ensemble, étudier le chapitre concernant le divorce. Et aujourd'hui, le cours sera donné simultanément sur la radio du Markaz Al-Ghulaba et également à la mosquée Abu Darda, radiallahu anhu, de la ville de Thiès au Sénégal. Ensemble, incha'Allah ta'ala, nous allons étudier ce grand chapitre, le chapitre du divorce, incha'Allah ta'ala. Et ce chapitre est un chapitre très vaste, qui comprend beaucoup, beaucoup de sujets. Et donc vous comprendrez, mes frères et mes sœurs, que 4 cours n'est pas suffisant pour mentionner tous les sujets relatifs à ce chapitre. Par conséquent, nous allons résumer, incha'Allah ta'ala, durant ces 4 cours, les points essentiels du chapitre, incha'Allah ta'ala. Et nous allons prendre comme fil conducteur le livre de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Et nous rajouterons certaines paroles de ulema, de savants de la sunna, lorsque le besoin s'en fera ressentir, incha'Allahu ta'ala. Et comme vous le savez, mes frères et mes sœurs, le divorce est un sujet délicat, est un sujet complexe qu'il ne faut pas prendre à la légère et qui malheureusement a été trop négligé par notre communauté, ce qui a causé de très grands fléaux dans les familles et dans la société. Donc nous allons étudier ensemble, incha'Allah ta'ala, les règles expliquées par les savants de la sunna. Mais j'aimerais attirer votre attention, mes frères et mes sœurs, que chacun de nous doit prendre la responsabilité et ne pas se précipiter dans ces sujets délicats. De ce fait, je vous conseille, mes frères et mes sœurs, de toujours, toujours retourner aux savants, aux juges musulmans dans les affaires de divorce et de ne pas se précipiter en pensant avoir étudié le sujet et l'avoir compris et l'avoir maîtrisé. Mais toujours revenir aux savants de la sunna et aux juges musulmans dans ces sujets délicats desquels découlent des conséquences, et parfois des conséquences néfastes, des conséquences graves sur les familles musulmanes. Donc de ce fait, prenez garde, mes frères et mes sœurs, de vous précipiter dans ce sujet. Mais revenez aux gens de science, revenez aux savants de l'islam afin de prendre les bonnes décisions, incha'Allah ta'ala. Également, concernant nos cours, incha'Allah, nous éviterons de rentrer trop dans les divergences. Comme tout chapitre de fiqh, le chapitre du divorce, on y trouve des divergences entre les savants de l'islam sur certains points. Afin de ne pas alourdir le cours et de ne pas prendre trop de temps, nous éviterons de rentrer trop dans les divergences. Cependant, lorsque le besoin s'en fera ressentir, nous mentionnerons les avis des différents savants sur un sujet en mentionnant les preuves sur lesquelles ils se sont basés. Donc nous commençons aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, le premier sous-chapitre du chapitre du divorce, at-talaq, par un sous-chapitre qui est souvent mentionné en début du au début du chapitre de divorce par les savants, qui est le chapitre du rul'. Et même certains savants l'ont mis à la fin du chapitre de nikah, du mariage, comme l'imam As-Sa'di dans son livre Manhaj As-Salikin par exemple. Donc nous commençons, incha'Allah ta'ala, avec le sous-chapitre concernant les jugements relatifs au roul'. Au roul', le roul', selon ma faible connaissance de la langue française, il n'existe pas un mot équivalent dans la langue française. Donc nous citerons, incha'Allah ta'ala, la définition, puis nous garderons le terme en arabe. Donc veuillez bien comprendre la définition, incha'Allah ta'ala. Donc Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, mentionne Al-Ghul' firaqu az-zawj li zawjatihi bi'iwad bi'alfadhin makhsusa summiya bidhalika لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس لأن كلا من الزوجين لباس للآخر قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Donc le khul, mes frères et mes sœurs, c'est la séparation entre l'époux et son épouse en contrepartie d'une compensation prononcée avec des formules spécifiques. C'est ça le khul'. Et elle fut appelée ainsi car la femme se détache elle-même de son mari, tout comme elle enlève ses vêtements, ses habits. Car chacun des époux est un habit pour l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, au sens approché, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الزَّوَاجِ تَرَابُطٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَعَاشُرٌ بِالْمَعْرُوفِ يَنْتَجُ عَنْهُ بِنَاهُ أُسْرَةٍ وَإِنْشَاهُ جَيْلٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Il est connu que le mariage est une alliance entre les deux époux et c'est une cohabitation dans le bien. Il en découle la fondation d'une famille et l'établissement d'une génération. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran au sens approché. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous l'affection et la bonté. فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الزَّوَاجِ بِحَيْثُ لَمْ تُوجَدْ الْمَوَدَّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ لَمْ تُوجَدْ مِنَ الزَّوْجِ وَحْدَهُ سَاءَتِ الْعِشْرَةُ وتعسر العلاج فإن الزوج مأمور بتصريح الزوجة بإحسان قال الله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Et donc, il nous dit le Cheikh, si ces objectifs du mariage ne sont pas accomplis, quel objectif ? L'affection et la bonté et la tranquillité. Dans la mesure où l'amour n'est pas présent de la part des deux parties, ou d'un des deux parties, ou d'une des deux parties, pardon, la vie conjugale déclinera et la résolution des problèmes deviendra compliquée. En effet, l'époux est ordonné de libérer l'épouse avec bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran au sens approché: soit on garde son épouse conformément à la bienfaisance, soit on la libère avec bienfaisance. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également dans le Coran au sens approché: si les deux se séparent, Allah subhanahu wa ta'ala par sa largesse accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. وَأَمَّا إِذَا وُجِدَتِ الْمَحَبَّةِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ وَلَمْ تُوجَدْ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ بِأَنْ كَرِهَتْ زَوْجَهَا أو كَرِهَتْ خُلُقَهَا أو كَرِهَتْ نَقْصَ دِينِهِ أو خَافَتْ إِثْمًا بِتَرْكِ حَقِّهِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُبَاحُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ فِرَاقَهُ عَلَى عِوَضٍ تَبْذُلُهُ لَهُ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. أي إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقيا على زوج أو على زوجية لا يؤدي كل واحد منهما الواجب عليه نحو الآخر فيحصل من جراه ذلك أن يعتدي الزوج على زوجته أو تخاف المرأة أن تعصي زوجها فلا حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض ويخلي سبيلها. Mais quand l'amour est présent de la part de l'époux mais n'est pas présent chez l'épouse dans la mesure où elle déteste son époux, où elle déteste un trait de son comportement, où elle déteste ses manquements dans sa religion, où elle craint de faire un péché en délaissant son droit. Et là, je reviens sur la traduction, où elle déteste son comportement, comme a dit le Shir, où elle déteste ses manquements dans sa religion, où elle craint de faire un péché en délaissant son droit, yani le droit de l'époux qu'il a sur sa femme. Dans cette situation, il lui est permis de demander la séparation contre une compensation qu'elle donne à son époux afin de racheter sa personne. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sens approché: si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. C'est-à-dire, si l'époux ou l'épouse savent qu'en restant ensemble, aucun d'eux n'accomplira les obligations envers l'autre, et cela amènera l'époux à dépasser les limites avec son épouse, ou la femme craint de désobéir à son époux, alors il n'y a pas de mal à ce que l'épouse rachète sa propre personne auprès de son mari en échange d'une compensation. Ce qu'on appelle el roula. Et il n'y a pas de mal à ce que l'époux prenne cette compensation et laisse son épouse prendre son chemin. وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه لا رجع فيه ففيه حل عادل للاثنين ويسن للزوج أن يحب أن يجيبها حينئذ وإن كان الزوج يحبها استحب لها أن تصبر ولا تقتدي منه. Écoutez bien mes frères et mes sœurs, Ce point est très important. La sagesse de cela, yani la sagesse dans le roule, est que la femme peut se défaire de son époux d'une manière où il n'y a pas possibilité de retour, ce qu'on appelle raja'a, comme on va l'étudier dans un de nos cours, inshallah, spécifiquement. Il y a donc dans cela une situation juste pour les deux, l'époux et l'épouse. Et il est recommandé à l'époux, dans telles circonstances, de répondre favorablement à la demande de l'épouse. Et si l'époux aime encore son épouse, alors il est recommandé à l'épouse de patienter et de ne pas se séparer de lui. والخلع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه الآيات الكريمة وهو خوف الزوجين إذا بقي على النكاح أن لا يقيم حدود الله وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال لقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة إلا النسائي قال الشيخ تقي الدين الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير الخلع est permis si la cause mentionnée dans le noble verset qu'on a mentionné tout à l'heure est présente. Cette cause, c'est quoi? La crainte des deux époux s'ils restent ensemble de ne pas pouvoir respecter les lois d'Allah. Mais s'il n'y a pas ici de besoin dans le roule, alors il est détestable. Et même certains savants ont dit qu'il est interdit, haram, dans cette situation. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « N'importe quelle femme demande à son époux le divorce sans raison, l'odeur du paradis lui sera interdite. » Rapporté par les cinq, excepté An-Nasa'i. C'est qui les cinq? Là. Non, c'est pas cela. Ici, hein, il mentionne hein, la terminologie d'Al-Hafiz Ibn Hajar dans son livre Bulugh al-Maram. Les cinq ici, c'est qui? Ahmed et Ashab al-Sunan. C'est-à-dire dans le Musnad de l'imam Ahmed, Al-Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i et Sunan Ibn Majah. Ça fait cinq livres. Donc il a dit rapporté par les cinq, excepté al-Nasa'i. Ensuite, il mentionne Shir Taqiyuddin. C'est qui Shir Taqiyuddin? Shir al-Islam ibn Taymiyyah Ahsant, qui a mentionné Al-Khul' qui est rapporté dans la Sunna, est le fait que la femme déteste l'homme. Ainsi, elle rachète sa propre personne, tel un prisonnier. وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُحِبُّهَا وَلَكِنَّهُ يُمْسِكُهَا لِغَرَضٍ أن تملى وتفتدي منه فإنه يكون بذلك ظالما لها ويحرم عليه أخذ العوض منها ولا يصح الخلع لقوله تعالى ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي لا تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقت أو كله أو تترك حقا من حقوقها التي لها على زوجها. Et si l'époux, écoutez bien mes frères, parce que beaucoup d'hommes et beaucoup de nos frères malheureusement sont concernés par cette parole. Si l'époux n'aime pas son épouse, mais il retient son épouse afin de la fatiguer, afin qu'elle se rachète de lui. Hein, vous comprenez? Il veut pas la divorcer, malgré le fait qu'il ne l'aime pas. Mais il fait exprès, hein, de l'oppresser, afin que la femme demande le roule, et il reçoit une contrepartie. Alors, il sera considéré comme injuste, comme oppresseur, envers elle. Et il n'est pas permis qu'il prenne une compensation venant de sa part. Et le roule n'est pas valide. Selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. C'est-à-dire, ne leur causez pas préjudice dans la vie conjugale pour qu'elle laisse une partie de ce qui lui a été donné comme dot, ou qu'elle la laisse totalement, ou qu'elle laisse certains de ses droits qu'elle a sur son époux. هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به فنهى تعالى عن ذلك ثم قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة يعني الزنا فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ويضاجرها حتى تتركه له ويخالعها. Excepté si son comportement envers elle résulte du fait qu'elle ne s'est pas préservée de l'adultère. Donc c'est interdit de garder la femme et de la fatiguer et de l'oppresser pour qu'elle demande le roule et avoir une compensation, excepté si le comportement, ce comportement qu'il a, l'époux, envers elle, résulte du fait que la femme, l'épouse, ne s'est pas préservée de l'adultère. Il agit ainsi afin de récupérer la dot qu'il lui a donnée. Et ceci est permis, selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, à moins qu'elle ne vienne à commettre une turpitude prouvée. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a expliqué le verset en disant « Ceci concerne l'homme qui a une femme dont il déteste la compagnie et elle a sa dot. Alors il la persécute afin qu'elle rachète sa propre personne et donc elle lui rend la dot. » Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Puis Allah azza wa jal dit au sens approché « À moins qu'elle ne vienne à commettre une turpitude prouvée. » Abdullah ibn Abbas dit, c'est-à-dire l'adultère, zina. Il peut donc récupérer la dot qu'il lui a donnée. Il l'oppresse afin qu'elle délaisse la dot et que le roule soit appliqué. Fahimtoum? Wad-dalilu ala jawazi al-mukhala'a inda husuli al-sabab al-musawwir laha al-kitab wa sunna wal-ijma'a. أما الكتاب فالآيات التي أسلفنا تلاوتها وهي قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. Et la preuve sur la permission d'appliquer le roul' lorsque la cause justificatrice, yani la cause qui est juste, qui justifie cela, est présente, c'est quoi la preuve de ça? C'est le Coran, c'est la Sunna. Et c'est le consensus des savants qu'on appelle Al-Ijma'. Quant au Coran, la preuve c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous craignez que tous deux, qui tous deux, l'épouse et l'époux, ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, ils ne peuvent pas respecter les ordres que Allah leur a donnés concernant le mariage, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Annie-le. Le roulant. وأما السنة ففي الصحيح أن امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه قالت يا رسول الله ما أعيب من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام أي كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وتلقها تتليقه وأمره بفراقها كما رواه الإمام البخاري. Quant à la preuve dans la sunna dans l'authentique, dans le sahih, c'est-à-dire sahih al-Bukhari, il est rapporté que la femme de Thabit ibn Qais, radiallahu anhu, a mentionné au messager d'Allah, « Ya Rasulallah, je ne dénigre pas une chose de sa religion. » Yani, j'ai rien à dire sur sa religion. Je n'ai rien à dire. Ou je ne dénigre pas une chose de son comportement. Son comportement, il n'y a rien à dire. Mais je répugne le kufr en islam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le mépris interdit envers l'époux. Elle a peur, hein, d'avoir du mépris envers son époux. Et le manquement dans ce qui est obligatoire pour elle, dû à son aversion qu'elle a pour lui, dû au manque d'amour qu'elle a pour lui. Donc elle a eu peur. Elle a eu peur que ce manque d'amour, hein, qu'est-ce que cela provoque? Eh bien qu'elle ne peut pas, hein, accomplir ce qui est obligatoire pour elle d'accomplir envers son mari. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu lui rends son jardin? Ni le jardin de son mari qu'il lui a donné pour, comme dot, comme mahar. Alors elle a répondu que oui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, accepte le jardin et divorce-la. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna la séparation, comme a rapporté l'imam al-Bukhari. وَأَمَّا الْإِجْمَاعِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرْ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْمُزَنِي فَإِنَّهُ زَعَمَا أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةَ. Quant au consensus des savants, on peut citer Al-Hafidh ibn Abd al-Barr, qui est mort en 463 de l'Hégire, Ahsantum, qui mentionne, nous ne connaissons pas une personne qui a contredit cela. Qui a contredit quoi? Le roul', hein, la légalité du roul', excepté Al-Muzani. Al-Muzani qui était un grand savant, qui est mort en 264 de l'Hégire. Mais la parole d'Al-Muzani, elle n'est pas acceptée. Yani, elle est chaise par rapport au consensus des savants sur le sujet. Donc on voit, mes frères et mes sœurs, hein, que le roul' est justifié par le Coran, est justifié par la Sunna, est justifié par le consensus des savants de l'islam. Maintenant, on va parler des conditions. Les conditions du roul'. Et on va citer la parole de l'imam al-faqih, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui mentionne « Awalan an yakuna fi nikahin sahih » وضد النكاح الصحيح الفاسد والباطل لأن الأنكحة صحيح وفاسد وباطل فالباطل ما أجمع الفقهاء على أنه فاسد كالنكاح الأخت والفاسد والذي اختلف فيه أهل العلم كالنكاح بلا ولي ولا شهود. Donc ici, Cheikh Salih, ou Cheikh Mohammed ibn Salih, pardon, Al-Uthaymin mentionne la première condition pour que le roul' soit accepté. C'est très important, mes frères et mes sœurs, afin que chacun de nous sache quelles sont les conditions pour que le roul' soit accepté. Si un jour, un de nous, et qu'Allah nous préserve, soit confronté à cette situation, qu'on sache quelles sont les conditions à respecter. Premièrement, il dit que ce roul' soit relatif à un mariage valide. Il faut que le mariage dans lequel tu es soit valide. Le contraire du mariage fasid ou le mariage batil. Car il faut savoir, mes frères, que le mariage peut être soit sahih, c'est-à-dire valide, soit fasid, soit batil. C'est trois jugements concernant l'acte de mariage. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mariage batil, c'est le mariage sur lequel tous les savants sont unanimes de son invalidité. Comme quoi, quel mariage? Le fait de marier la sœur de l'épouse. Les savants sont unanimes que celui qui se marie avec la sœur de son épouse, son mariage, il est, hein, batil. Il n'est pas accepté. Il est nul. Et le mariage fasid concerne le mariage pour lequel les savants ont divergé. Quand on dit que le mariage est fasid, c'est-à-dire que le mariage, les savants ont divergé, sur sa validité, ahsan. Comme qui? Comme le mariage sans tuteur. La femme qui se mariage sans tuteur. Les ulama ont divergé. Certains ont dit qu'il est accepté, mais la femme a un péché. Certains disent que le mariage n'est pas accepté. Ou le mariage sans témoin. إذن يشترط أن يكون في نكاحه صحيح والدليل قوله الرسول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فإذا كان باطلا لا يمكن أن تترتب عليه الأحكام. Donc, il est conditionné pour le khul' que le mariage soit valide. Le khul' ne peut pas être établi sur un mariage qui n'est pas valide. Et la preuve de ceci, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah est invalide. » Comme l'a rapporté Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahumullah. Et s'il est invalide, on ne peut donc en déduire des jugements. Hein? Si le mariage est invalide, donc il n'y a pas de jugement qui en découle. Et donc il n'y a pas de khul'. Et concernant ce hadith, hein, j'aimerais ouvrir une parenthèse, mes frères, sur ce hadith, toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah est invalide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجازة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو نهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه شروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود انتهى كلامه. إدي شيخ الإسلام concernant ce hadith. Celui qui conditionne, qui met comme condition dans les différents contrats, un contrat de mariage, contrat de vente, contrat de location, contrat pour affranchir un esclave, même si à notre époque ça n'existe plus, etc. Celui qui met une condition qui contredit ce que Allah a légiféré pour ses serviteurs, dans la mesure où ces conditions impliquent par exemple ce que Allah a interdit, une condition qui implique un interdit, ou empêche ce que Allah a ordonné, une condition qui empêche une obligation, ou alors une condition qui rend licite l'illicite, ou qui rend illicite le licite. Donc toutes ces conditions sont invalides dans la totalité des contrats, selon le consensus des savants. On ferme la parenthèse, c'était pour comprendre hein, le fait que pour que le khul' soit valide, il faut obligatoirement que le mariage soit ahsantum. Deuxième condition. أن يكون ممن يملك الطلاق وهو الزوج أو من يقوم مقامه فلا يمكن أن يخالع رجل زوج عفوا فلا يمكن أن يخالع رجل زوجة رجل فالذي يخالعها هو الزوج لأنه هو مالك الطلاق ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. Deuxième condition, mes frères et mes sœurs, pour que le mariage, pour que le rôle soit valide, c'est que le rôle émane, yani provient de celui qui possède le moyen de divorcer. C'est qui ? C'est qui a le moyen de divorcer ? L'époux, le mari, ou celui qui le représente. Hein, le mari peut se faire représenter s'il délègue quelqu'un. Ainsi, il n'est pas possible qu'un homme prononce le rôle sur la femme d'un autre. Hein, c'est pas possible, un homme il vient et il fait le rôle à une femme qui ne lui appartient pas ou qui n'est pas mariée avec elle. Avec lui, pardon. Et cela selon la règle, pardon. Et il n'est pas possible, non. Celui qui prononce le rôle doit être l'époux, car il est celui qui possède le moyen de divorcer. Et ceci selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles. Yani c'est qui ? C'est l'époux. Troisième condition mes frères. Rida zawj illa an yukrah bihaq. Fahuwa shartun sawa'un tawallahu binafsihi au biwakilihi. Wa dhalika lil qa'ida al-amma. أن كل صاحب حق فإنه لا ينفذ تصرف إلا برضاه. Troisième condition, mes frères, pour le khul. Attention, je vous interroge après, Inch'Allah, hein, sur les conditions. L'agrément de l'époux excepté si l'époux est forcé d'une façon justifiée. Il est donc une condition que le roul' provienne de l'époux lui-même ou de celui qui le représente. Et ceci selon la règle générale qui dit qu'un droit ne peut être appliqué excepté avec l'agrément de la personne qui possède ce droit. Ça, c'est une règle. Le droit ne peut être appliqué excepté si on a l'agrément, la satisfaction de la personne qui possède ce droit. وَلِيَذَا نَقُولُ رِضَ الزَّوْجِ لَيْسَ بِالشَّرْطِ إِلَّا أَنْ يُكْرَهَ بِحَقٍ فَإِذَا أُكْرِهَ بِحَقٍ فَلَا حَرَجٍ وَمِثَالُهُ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَ كَارِهَةً لِلزَّوْجِ فَهُنَا لَا بُدَّ مِنَ الْخُرْعِ وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حَيْثُ كَرِهَتْهُ إِمْرَأَتُهُ. Et nous disons, dans la condition, que l'agrément de l'époux est une condition exceptée si l'époux est forcé de façon justifiée. C'est-à-dire, si l'époux est forcé d'accepter le rôle, il n'y a pas de mal comme le fait que l'épouse, par exemple, répugne son mari. Ici, il est obligatoire d'appliquer le rôle. La preuve est le hadith de Thabit ibn Qais qu'on a mentionné tout à l'heure. L'épouse, elle n'aimait pas son mari. Elle le répugnait. Non, son mari la répugnait. Donc ici, le mari doit accepter le rôle. D'accord ? Il est contraint, mais d'une façon justifiée. Quatrième condition, mes frères. أن يكون برضا باذل العوض بمعنى أن يكون الذي بذل عوضه راضيا بذلك وهو إما الزوجة أو وليها أو أجنبي فلا بد أن ترضى الزوجة إذا كانت هي باذلة العوض فلو كانت باذلة العوض إكراها فلا يصح. Quatrième condition. Pourquoi ? On va voir si vous suivez. Quatrième condition de quoi ? De la validité du roul'. L'agrément de celle qui donne la compensation. C'est-à-dire qui ? La femme. Celle qui offre la compensation, il faut qu'elle soit satisfaite de cela. Et cela provient de l'épouse ou aussi de son tuteur ou d'un étranger. Il est donc obligatoire que l'épouse soit satisfaite si c'est elle qui donne la compensation. Ainsi, si l'épouse donne la compensation par contrainte, alors le roul n'est pas valide. Vous avez compris. Cinquième et dernière condition, أن يكون بعوض يصح مهرا وهو كل ما يصح ثمنا أو أجرة فإنه يصح صداقا. Cinquième condition, mes frères, pour que le rôle soit valide, c'est que la compensation soit de même nature qu'une dot valide. C'est-à-dire tout ce qui est valide comme bien ou service. Tout ce qui est valide pour la dot est valide pour le rôle, pour la compensation du rôle, l'iwad. Et Inch'Allah, les frères qui assistent au séminaire, à la conférence, je suis sûr que notre frère, dans les règles du mariage, mentionnera quelle dot est valide ou non. Donc si elle est valide pour une dot, il est valide pour la compensation du roul. Fahimtoum ? Vous avez compris les cinq conditions ? Tayyib. Souhel. وَهَلْ يُشْتَرَتْ فِي هَذَا الْعِوَدِ أَلَّا يَزِيدَ عَنِ الْمَهْرِ ? Question très importante qui revient souvent. Est-ce qu'il est conditionné que cette contrepartie que la femme va donner, elle ne doit pas dépasser le montant de la dot ? Bonne question. Ainsi, Cheikh Al-Uthaymeen y répond. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. Il dit ce sujet, les savants ont divergé concernant ce sujet. فبعض العلماء رحمهم الله يرى أنه لا بأس أن يطلب منها أكثر مما أعطاها ويستدلون بعموم قوله تعالى فيما افتدت به وما هذه موصولة وبه عموم. أي أي شيء تفتدي به من عين أو دين أو منفعة قليلا كان أو كثيرا فإنه جاهز. Donc certains savants, rahimahumullah, voient qu'il n'y a pas de mal que l'époux demande plus que ce qu'il a donné à l'épouse. Et il se base sur la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, si la femme se rachète avec quelques biens. C'est-à-dire, elle se rachète avec n'importe quelle chose, qu'elle soit peu ou beaucoup. Donc ceci est permis. وَيَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرْ مِمَّا أَعْطَاهَا لِأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بِعِوَدْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَهَا بِأَكْثَرْ مِنْهُ لَا سِيَّمَا وَأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ مِنْهَا إِسْتِمْتَاعَ فَكَيْفَ يَتْلُبْ مِنْهَا وَيَا الْآنَ ثَيِّبٌ وَلَيْسَتْ بِكْرَى. Et certains savants voient qu'il n'est pas permis de prendre plus que ce qu'il lui a donné. Pourquoi? Pour la dot. Car il a consommé le mariage. En contrepartie d'une compensation. Il n'est donc pas permis qu'il la laisse partir avec plus que cela. Plus particulièrement alors qu'il a profité de son épouse. Et comment peut-il lui demander plus alors que son épouse n'est plus vierge? ويجيبون عن الآية الكريمة بقولهم اقرأوا الآية من أولها لتتبين ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولا شك أن الأولى أن لا يزيد. Et ils répondent, les savants du deuxième avis répondent au noble verset que ceux du premier avis se basent en disant « Mais lisez le verset dès son début, afin qu'il soit clair. » Qu'est-ce qu'il dit Allah au début au sens approché? Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, et il n'y a pas de doute que le mieux est de ne pas augmenter. وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنْ يَجُوزَ بِمَا أَعْطَاهَا وَبِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ الْمُهُورُ قَدْ زَادَتْ. Et ici nous dit le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ce qui me paraît être correct, c'est la permissibilité, c'est permis. Il a dit ce qui est mieux, c'est de ne pas rajouter, mais c'est permis qu'elle donne plus, ou qu'elle donne ce qu'elle lui a donné, ce que lui lui a donné comme dot, ou même plus. Pourquoi? Surtout que si les dots augmentent avec le temps, par exemple, tu as donné une dot il y a 10, 15, 20 ans, est-ce que ce montant de la dot aujourd'hui est le même montant? Non, l'argent, ça a augmenté. Donc il dit le chiffre, c'est permis parce que les dots aussi augmentent. La valeur des dots. Wallahu ta'ala a'lam. Taïm, mes frères, on n'a pas terminé le chapitre du roule. Wallah, il ne reste pas beaucoup, mais ça va être le temps du cours de notre frère Youssouf Abou Abdelrazak, hafizahullahu ta'ala. Hein, il va, après mon cours, inshallahu ta'ala, faire un cours sur At-Ta'addud, la polygamie, tiré d'un livre de Cheikh Abdelaziz ibn Ubaiz. Rahimahullahu ta'ala, donc on va lui laisser inshallah ta'ala commencer son cours à l'heure bi'idhnillah, et nous demain inshallah on terminera le cours, il reste pas beaucoup concernant le khul', et on commencera le cours sur les jugements du divorce bi'idhnillah. Fa jazakumullahu khayran wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.